s'éloignait, qu'il désirait fuir. Ses parents, ce monde qui ne le comprenait pas, oui, il songeait à partir. Mon ami était prisonnier de son esprit, une autre chose en tout cas quelque chose. Un adolescent incompris. Son père était souvent la cause de ses soucis. Il n'appréciait pas que son unique enfant choisisse la musique comme hobby. Et dit je te dis qu'il le traquait tous les soirs pour qu'il ne prenne pas le chemin des MC, mais étant noir, malheureusement. De plus, ayant une forte personnalité et n'aimant pas trop les... Il se pressait pour rentrer dans sa chambre et travailler avec acharnement la musique et l'école de temps en temps. Seigneur pardonne-le mais ses liens l'étreignent. Crois-moi, il ne fait pas semblant. J'en ai encore les larmes aux yeux car je le comprends. Mon Shumoji également le comprend. Et mon Shumoji également le comprend. Quand une mère meurt, il ne reste plus de parents. Mais qu'est-ce qui se passe quand le père amadoue l'enfant? Dès son plus jeune âge, il devient complètement crédule. C'est un vice crapuleux, c'est un vice de crapule. Après 15 années, il voulut reprendre le flambeau, croyant que des enfants s'élèvent comme on élève les chameaux. Chaque jour, il lui cause des irritations en lui disant qu'avec ses sorties abusives, il suit le chemin du démon. L'enfant se pose des questions, est-il victime d'une trahison? Coup sur coup, il reçoit des putains de coups de pression. Son seul refuge est dans la prière. Il implore Dieu car c'est lui son seul père. Alors il s'abstient et ne dialogue plus. Il est dans l'impasse, il ne retrouve plus sa rue. Incompréhension entre ses parents et ses frères. Il ne sait que faire, il ne sait que faire. Oh mon frère, quand on est saturé par son père ou sa mère. Il ne sait que faire. Parce que nos parents ne veulent que misère. Il ne sait que faire. Oh, que faire. Quand on est saturé par son père ou sa mère. Il ne sait que faire. Mais dis-moi que faire. Quand on pense que nos parents ne veulent que misère. Renfermé sur lui-même, mais quand même confiant. Il souffrait derrière nous et souriait devant. Ne plus parler à la maison était peut-être la solution. Vivre avec un lunatique n'a pas été sa formation. Son don donné du adieu se dirigeait vers la chanson. Le RAP, comme nous t'en donnons. Comme nous t'en donnons. Mais semblable à la majorité des pères africains, la religion dans sa famille dominait le terrain bien. Au point d'être entièrement téléguidé par le Tout-Puissant. La passion remporte parfois sur la raison, entends-tu? Seulement c'est l'éric véridique implicite à 100%. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi et lui pourtant. Homme ayant connu tant de femmes et commis tant d'adultères, ce qui valut un divorce entre son père et sa mère. Maintenant tous les dimanches à l'église, il veut être pasteur, pardonner tous ses péchés. Il prie donc avec ardeur. Mais les reproches de mon pote ne sont pas là. Ce qui lui réprimande, c'est qu'il évite les débats. Il joue à cache-cache, il se cache derrière sa Bible. Lecture finie, son fils devient sa première cible. Comme quand on câble des câbles, prise de tête, il l'accable. Tellement accablé qu'il ne mange même plus à table. Famille ne marche pas, école ne marche pas, il ne sait que faire. Et il se peura car il va plus loin que ses vers. Oh, que faire, quand on est saturé par son père ou sa mère. Il ne sait que faire. Oh, que faire. Parce que nos parents ne veulent que misère. Il ne sait que faire. Quand on est saturé par son père ou sa mère. Il ne sait que faire. Mais dis-moi que faire. Quand on pense que nos parents.